J'ai tant de regrets, tant de remords. Je me dégoûte, j'ai tous les torts. Mais si tu voulais juste une chance encore, je promets je ne suis plus le même. Je suis un autre dès que tu m'aimes. Si tu voulais, tout recommencerait. C'est du vent des mots, une voile sur un bateau. Mais si tu me pardonnais, je changerais. C'est du vent. Caresse grise avant de s'envoler. Je t'offrirai mes îles au trésor. Ce que tu voudras d'ici au nord. Si tu voulais, si tu remontais à bord. Où sont passés nos rêves et nos cœurs? Je sens que je te perds et j'ai peur. Des bons rêves brisés. Oh, souviens-toi de notre bonheur. Et le deuil de ma grandeur. C'est comme une fin d'enfance déchirée.